Bienvenue aux portes de la Médina. Allez-y, entrez. De quoi avez-vous peur? Nous ne sommes pas si différents de vous. Regardez, nous vivons avec l'amour, l'amitié, la fraternité, la joie. Vous pourrez même entendre les rires des enfants courant dans les rues, oui. Mais inévitablement, vous repartirez avec le souvenir d'avoir vu pleurer nos mères, nos sœurs. Car nous vivons aussi avec la division, la peur, la mort. Quand la porte se refermera derrière vous, vous comprendrez que nous vivons dans le même monde. La paix et la violence sont les mêmes que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Alors je vous en supplie, ne faites pas semblant d'être effrayé. Faites semblant d'être à l'aise. Bienvenue.